Chapitre 2e. Minuit sonnait aux diverses horloges de Londres, tandis que Shrewsbury franchissait l'escalier du palais Saint-James, qui ce soir-là répandait des flots de lumière. La démarche du comte était inégale et saccadée, son front soucieux et sombre. En le voyant pénétrer, en habit de cour, l'air sinistre, dans ses salons étincelants, au milieu de ses grandes dames et de ses gentilshommes masqués, livrés follement au plaisir du bal, tous les regards se dirigèrent sur lui et interrogèrent sa figure pâle. Une femme, costumée en amazone, frissonna visiblement en apercevant le comte et fit un mouvement pour se retirer. Mais Shrewsbury, dont les yeux l'avaient été cherchés dans la foule, s'avança vers elle et l'arrêta. « Restez !» dit-il d'une voix grave et sévère. « Vous n'êtes pas de trop à cette fête. Restez, je veux parler, et j'ai besoin d'être entendu de tous, de vous plus encore que de tout autre. » « Cessez vos danses, mesdames, et écoutez-moi. Écoutez-moi, car je vous promets du scandale. Il est un gentilhomme, parmi vous, qui a choisi une épouse dans une condition moins élevée que la sienne, afin de pouvoir s'enorgueillir du bonheur qu'il lui donnerait. Il n'a pas voulu que le mariage devînt pour elle une servitude, qu'elle eût à regretter jamais son indépendance, ses 12 joies de jeune fille. Il l'a laissée libre, maîtresse de ses actions, certain qu'elle n'abuserait pas de sa confiance. » Eh bien, comment a-t-elle reconnu tant de sacrifices, tant d'idolâtrie, tant d'amour, en le déshonorant? Cela vous étonne? Un jeune seigneur, qui serait le dernier gentilhomme des trois royaumes, sans les vices de sa famille et sans sa propre bassesse, qui a bâti sa fortune sur les ruines de son honneur, a séduit cette femme parce qu'il est duc, parce qu'il est comblé de titres, de faveurs, de dignité, parce qu'il est le prince des mauvais lieux, le dieu des courtisanes, le favori, le confident, l'ami du roi d'Angleterre. Il l'a séduite, et bien loin de lui faire un manteau de pureté avec sa discrétion et son silence, bien loin de cacher leur double infamie, il l'a proclamée hautement, publiquement, en face de l'époux outragé. « La femme, dit-il en se levant et en démasquant la jeune dame vêtue en amazone et qui semblait à demi-morte de confusion et de terreur, c'est vous !» Comtesse de Shrewsbury, le séducteur, ajouta-t-il en s'élançant vers un homme appuyé sur le fauteuil du roi et en lui arrachant son masque, c'est vous, duc de Buckingham, le mari trompé, c'est moi. Il y eut un long silence. Subjugué par la âpre ironie de ses paroles, la foule était demeurée attentive et muette. Corbleu, n'est-ce que cela? Dit enfin Charles II en sortant d'un groupe de danseurs et se rapprochant du comte. « Combien est-il de maris en Angleterre qui n'aient pas à se plaindre de pareils malheurs ?»« Dieu merci, monsieur le comte, nous ne sommes plus autant des têtes rondes ni des puritains. Au reste, Georges avait sur vous des droits antérieurs, et vous savez qu'une femme se souvient toujours un peu de l'homme qui a ému le premier son cœur. »« Bien, sire, bien, riez de la souffrance, excusez le crime. Ce sont des amusements de roi, des jeux de prince, des plaisirs de grand seigneur. Quant à vous, madame, reprit-il, en arrêtant sur la comtesse un froid regard de mépris. « Vous avez souillé mon nom. Ce nom ne vous appartient plus. Vous avez déshonoré mon toit. Mon toit cesse à présent d'être le vôtre. Vous vous êtes vendu au vice, c'est au vice à vous recueillir. Allez, femme flétrie, allez jeter à de nouveaux amants ce qu'il vous reste de vertu. Vous n'êtes plus comtesse de Shrewsbury. » Frappée par ces mots, comme elle eût pu l'être par la foudre, l'épouse coupable poussa un cri de désespoir et tomba évanouie sur le parquet. Shrewsbury détourna les yeux. Puis il s'avança de nouveau vers Buckingham et le touchant au visage. « Duel à mort. À demain, monsieur le duc. »« À demain, puisque vous l'avez voulu, » répondit Buckingham, qui était resté pendant toute cette scène, debout, les bras croisés, le sourire aux lèvres. « Aussi bien ma valeur se rouillait dans l'inaction. Qu'en pensez-vous, sire ?» ajouta-t-il en se penchant négligemment vers le roi. « Ce pauvre comte n'est-il pas fou ?»« Pire que cela, il est honnête homme, » répondit Charles II.